The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Gameuzo, vous êtes bien sur le 107FM. Et nous sommes en direct, il est midi, coucou à tous ceux qui nous écoutent aussi sur internet ou via appli gratuite pour smartphone. Et c'est avec grand plaisir que l'on se retrouve comme chaque jour pour un moment de partage, de douceur. Et aujourd'hui, eh bien, deux invités avec moi, hein, Samuel de l'Asinerie des Hauts-de-Vosges qui s'installe tout confort avec nous dans la bulle, accompagné eh bien, de Maude qui s'occupe aujourd'hui eh bien, du nouveau projet de l'Asinerie, l'espace bien-être. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va ? On va bien ? Oui, très bien. Est-ce que vous êtes en forme quand même ? Avec le retour du soleil, ça peut calmer. Ah ben voilà, t'as bien raison. Tu as bien raison. Alors Samuel, on va faire un petit focus sur l'Asinerie. Alors tu es installé à Vecou, à 5 km de Remiremont, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Oui. Alors quand est-ce que la grande aventure de l'Asinerie des Hauts-de-Vosges a-t-elle commencé pour toi et tes ânes ? Alors pour nous, tout a commencé en octobre 2014. D'accord. Concrètement. Et donc, oui, on a racheté la ferme en 2013, le temps de refaire tous les parcs, le laboratoire, etc., faire les travaux qui étaient nécessaires pour la mise en place de la structure. Et puis donc, voilà, ouais, octobre 2014. D'accord. Et puis, depuis octobre 2014, eh ben, on travaille plein pot. Ah ben voilà, super. Ça ne fait que monter crescendo pour toi et ton équipe. Alors, tu dis oui. Que tu as acheté une ferme avant. Tu n'étais pas du tout dans ce milieu-là. C'était un nouveau pour toi ou pas ? Oui, c'était un nouveau départ, on va dire. J'étais quand même, je suis fils de paysan, petit-fils de paysan. Donc, on avait la fibre agricole qui était omniprésente. Donc pour nous, c'était pas trop compliqué de gérer le statut agricole, surtout qu'on est vraiment sur une petite structure très familiale. D'accord. Ensuite, derrière, ça nous a pris une année pour bien régler et gérer le côté transformation avec le laboratoire où là, la partie était un petit peu plus complexe. Oui. Donc, tu es un amoureux déjà de la terre au départ, ouais. Ça, c'est sûr. Une fois que tu as acheté la ferme, tout de suite, c'était pour en faire une asinerie. Tu savais déjà le projet dans lequel tu allais te lancer ? Ou pas vraiment ? Alors, il y avait deux points qui étaient très importants pour moi. Ma priorité, c'est l'éducation indirecte de mes enfants. Oui. Donc, le retour un petit peu aux racines, sans se couper du monde. Hein. Mais pouvoir leur apporter des éducations indirectes avec la valeur du travail de la terre, etc. etc. Et puis, pour faire notre production laitière, forcément, on était obligé de passer par un statut agricole. Donc c'était indéniable. D'accord. Donc, tu t'es lancé avec, au début, combien d'ânes avec toi ? Alors, au tout départ, on a récupéré uniquement une femelle et une ânesse, c'est un baudet, un âne, le mâle reproducteur. Et puis, à notre grande surprise, la femelle était pleine. Donc, dès le départ, on a tout de suite eu la maman qui nous a fait un petit. Donc, du coup, du lait depuis... Dès 2013, autant d'accord. Pour moi depuis 2013, j'ai dit 2014 mais 2013, et dès 2013 on a eu une petite ânesse qui nous a fait un bébé, donc c'est un beau départ déjà. Ouais, c'était une belle surprise. En sortant du travail, j'allais donc collecter un petit peu de lait de Fleur. Ouais. Et pour la petite anecdote, elle s'appelle Fleur parce qu'on l'a récupérée le 5 octobre, le jour de la Saint-Fleur. Waouh, pas mal. Tu fais ça à chaque fois qu'ils naissent, tu regardes la date. Non, en fait, ils ont des noms par rapport Jacques, t'imagines. Ça en fait beaucoup. Ouais, en plus, on met pas de prénom de... D'humain. Ouais, d'homme. Ouais, comme on a des petits groupes qui viennent avec des enfants handicapés ou autres. D'accord. Pour avoir une interaction, il faut des noms, noms d'animaux. Quoi. Ouais. Ouais. Donc la première a été Fleur. Donc voilà, la première Fleur avec son petit bébé. On allait donc collecter le lait en sortant du travail les soirs. Et puis on ramenait le lait chez nous, on habitait à Pouxeux. D'accord. Et on faisait nos premières ébauches, nos premiers savons comme ça. Et pour la petite parenthèse, c'était pour notre gamin, le grand de nos gamins, qui avait de l'eczéma. D'accord. Et on on avait entendu parler, on nous conseillait d'utiliser des cosmétiques au lait d'anesse pour lutter contre ces petits problèmes de peau, de maladies auto-immunes, etc. Ok. Est-ce que ça a bien fonctionné pour ton fils ? Oui, super rapidement. Et puis, c'est là où, en fait, on est rentré dans ce schéma, regarder un petit peu l'offre et la demande. Est-ce que c'était intéressant d'exploiter cette filière-là ? Et puis, on n'avait pas de recul dans le sens où on n'a pas d'exploitants qui sont en place ici. Et oui, vous êtes la seule asinerie dans les Vosges et vous n'êtes que trois en Lorraine. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Et on est quasiment les seuls à faire la transformation chez nous. Oui. Donc du coup, on s'est lancé. Et puis, aujourd'hui, force est de constater qu'on a des très bons retours pour tout ce qui est problèmes de peau, eczéma, psoriasis, coupe rose, etc. Ça, c'est le côté vraiment gratifiant. Mais à côté, le fait d'avoir des bonnes bases hydratantes fait qu'on va avoir des bons produits qui conviennent à tout le monde. Eh oui, c'est chouette. Donc du coup, maintenant, toi, tu t'es investi entièrement dans l'asinerie. Tu n'es plus obligé d'avoir un autre métier à côté. Voilà, c'est vraiment à plein temps que tu peux t'investir maintenant au sein de l'asinerie et auprès de tes ânes. Oui, exact. C'est chronophage. Ça prend énormément de temps entre la gestion du statut agricole, la transformation, la vente, etc. Et puis dans les projets 2018, on avait un site internet qui est venu étoffer un petit peu tout ça. Aujourd'hui, on a les commandes en ligne qui s'ajoutent à ça. Donc, oui, c'est des bonnes journées, on va dire. Eh bien oui, j'imagine. Alors, on va parler de tout ce que tu proposes tout au fil de cette émission, mais on ne va pas laisser Maud quand même trop de côté. Maud, ah oui. Tu viens d'arriver dans l'aventure de l'asinerie des Hauts-de-Vosges. Depuis quand, alors ? Eh bien, ça ne fait pas si longtemps que ça. Ça fait depuis le 24 avril, précisément. D'accord. Donc, en fait, on a décidé de faire un partenariat tous les deux suite, tout simplement... on s'était connus parce que moi, je cherchais à vendre des cosmétiques au lait d'ânesse. D'accord. Et puis, donc j'étais venue voir Samuel pour pouvoir les vendre, ce qui a été fait. Oui. Et puis après, petit à petit, on est venu à parler du projet. Et donc moi, j'étais partante aussi. Et puis, d'accord. Et puis histoire de se poser un petit peu aussi. Donc toi, tu voulais vraiment pouvoir vendre des produits à base de lait d'ânesse. Oui, parce que j'avais des demandes déjà des clientes qui avaient déjà des problèmes de peau, puisque je suis plutôt dans tout ce qui est onglerie, choses comme ça. Donc forcément, on constate tout ce qui est problème de peau au niveau des mains, des pieds. D'accord. Voilà. Et du coup, moi, j'étais dans le commerce avant, ce qui fait que j'avais tout de suite la fibre aussi pour conseiller. Et voilà, donc j'avais eu cette idée de vendre des cosmétiques au lait d'ânesse. D'accord, ok. Toi, ton parcours, tu disais que tu étais dans le commerce avant, mais est-ce que tu es passé par différentes étapes pour en arriver jusqu'ici aujourd'hui ? Eh bien, oui, donc en fait, j'étais dans le commerce et puis j'ai eu par la suite envie de faire une reconversion professionnelle. Donc, où je me suis lancée donc, à mon compte dans tout ce qui est bien-être, donc onglerie, massage bien-être, extension de cils, etc. Et puis donc voilà, mais j'avais quand même cette partie de commerce qui me manquait et du coup c'est pour ça que je suis allée trouver Samuel. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver d'autres personnes qui fassent des vrais cosmétiques naturels, pas quelque chose, parce qu'on peut en trouver des cosmétiques. Ah oui, on en trouve partout, voilà, même dans les grandes surfaces. Hein, voilà, mais je voulais vraiment quelque chose de naturel et qui plaise à mes clientes, quoi. Et toi, Samuel, comment tu as pris un petit peu cette nouvelle rencontre avec Maud ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tout de suite le projet a émergé dans ta tête ? Oh non, c'est des projets qui mûrissent petit à petit en fonction de la croissance qu'on veut apporter à l'entreprise. On est une toute petite structure familiale, oui. Donc je voulais pas m'incomber, c'est pas le bon terme, je vais le dire comme ça, m'incomber d'une masse salariale, oui. Donc plus difficile à gérer ou autre, je voulais vraiment rester un petit peu seul maître à bord, donc c'est moi qui gère mon petit boulot de mon côté, la structure, la transfo, tout ça, et puis derrière, je pense que le mieux pour moi, c'était de m'associer avec quelqu'un comme Maud. D'indépendant. Qui reste indépendant, donc qui gère sa structure, qui va m'apporter, parce qu'à deux personnes motivées, forcément on ira toujours vers l'avant, et puis ça c'est le début d'une grande aventure, j'espère. Oui, c'est chouette cette rencontre à tous les deux. Alors du coup, tu es dans un institut qui vient d'être fait au sein de l'asinerie, c'est des travaux qui sont tout récents, ça ? Oui, voilà, c'est ça, c'était le projet 2018. Donc ce qui s'est donc passé pour cette nouvelle année, on a étoffé nos gammes. Si tu veux, on pourra revenir derrière. Bien sûr. On a donc étoffé nos gammes. Et puis, on a fait tout un petit centre, un petit institut bien-être, on va dire, où Maud intervient. D'accord. Est-ce que toi, tu as donné un petit peu ton avis sur l'institut qui s'est monté ou alors c'est Samuel qui a digéré ? En fait, c'est vrai qu'on en a parlé, mais voilà, on ne savait pas trop où aller au tout début. Et puis, moi, en fait, voilà, on va dire que j'ai laissé Samuel faire ses travaux, oui, tranquillement. Et puis, moi, après, j'ai mis mon grain de sel pour tout ce qui était déco. Ta petite ou autre touche. Ouais, voilà, la petite touche personnelle pour que mes clientes qui me retrouvent se retrouvent aussi et voilà, se sentent à l'aise. Et du coup, toutes tes clientes ont suivi ? Oui, pratiquement toutes mes clientes. Bon, il y a juste celles voilà, qui ont des soucis pour venir me rejoindre ou quoi que ce soit. Voilà, là, je continue à faire quand même du domicile pour elles. D'accord. Voilà, mais sinon, toutes les autres ont suivi sans aucun problème. Du coup, là, t'as du monde, t'as du passage qui vient en plus, ou est-ce que vraiment déjà, il y avait pas mal de monde qui se rendait déjà à l'asinerie ? Bon, on a notre petite clientèle, et puis, donc du coup, nous, les mercredis, il y a un petit peu de monde. D'accord. En journée, on a toujours notre petite clientèle qui vient nous rendre visite. Parce qu'il y a une boutique sur place, hein, on le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, sur la structure, il y a donc la boutique qui est là dès le départ. Là, on a juste délocalisé, on est parti de deux travées dans la ferme, d'accord, dans un nouveau magasin un petit peu plus gros. Ouais. Et puis donc, juste à l'étage, il y a Maud qui travaille. Ce qui était pertinent pour nous, c'est le fait de croiser nos clientèles, dans le sens où moi, je suis convaincu du bon travail de Maud. Donc, lui présenter ma clientèle, ça ne me faisait absolument pas peur. Et puis, je vais être très prétentieux, je vais dire réciproquement. Tu avais testé un petit peu ce qu'elle proposait avant, les massages et tout ça, pour savoir quelle était... À l'onglerie, surtout. Ah oui, surtout l'onglerie. Et l'extension de cils, à vous. Dans les massages étant pseudo-sportifs, un petit massage de récupération, elle fait un travail en or. Est-ce que tu masses les ânes de temps en temps? Parce que j'imagine quand même que les ânes, eh ben, il faut y faire attention. Secteur, ah oui, non, ça reste le domaine de Samuel, ça. J'imagine que les clientes qui viennent, et puis toi, Maud, quand tu te rends sur l'asinerie, c'est un lieu quand même qui doit être très très nature. Je sais pas, oui, j'ai pas eu l'occasion. C'est assez apaisant en fait. Hein. C'est vrai que ce soit de travailler ou de venir en tant que cliente, voilà, de toute façon, ou client, on a quand même cette. On s'évade un petit peu, quoi. On est dans la nature et on est vraiment. Ça apporte un plus pour le. Voilà, le lâcher prise, oui, voilà, l'ambiance. Il y a ça aussi. Et puis c'est vrai que ça se prête bien à l'espace bien-être, donc on est bien, on est parfaitement bien. C'est top. Alors si vous le voulez bien, avant de continuer plus loin dans notre émission, nous allons nous lancer dans notre première bulle de son. Alors playlist spécialement consacrée par nous trois. Hein. C'est nous qui avons mis chacun notre touche. Alors, on va voir si ça fait un beau mélange, hein, pourquoi oui, pas. Oui. Alors la première, ce sera Love de Lana Del Rey, proposée par Maud pour un moment de détente, parce qu'on est en plein dans le sujet, hein, on se fait du bien, on se relaxe et on se retrouve juste après. Look, you kids with your vintage music, coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Sometimes it's enough just to make you feel crazy. Crazy, crazy, crazy. I know. Nous sommes toujours ensemble aujourd'hui, eh bien, pour un moment douceur, hein, et puis bah, c'est pas rien de le dire, hein, parce qu'on est en plein dans voilà, le lait d'Annès, avec Douceur d'Annès, ça c'est le nom de la boutique, ça se passe au sein de l'asinerie des Hauts-de-Vosges, avec toi Samuel. En parallèle, on parle aussi eh bien, de ce nouvel espace détente qui est proposé au sein de ton asinerie. Toi Maud, ça s'appelle Secret d'Orient, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ok, voilà. Comme ça, on est en plein dedans, on se fait du bien. Alors, le lait d'Annès, eh bien, il est connu quand même depuis très longtemps. Hein. Ça se passe depuis l'Antiquité égyptienne pour des utilisations tant alimentaires que cosmétiques. Et on a tous vu quand même à un moment donné un film où il y a eu une Cléopâtre qui prenait un bain de lait d'Annès. Hein. Le lait d'Annès, il est considéré comme le lait même le plus proche de celui de la femme. Et jusqu'au début du XXe siècle, il était utilisé comme substitut au lait maternel. Mais alors, est-ce que toi, Samuel, tu peux nous en dire plus sur ces fameuses vertus que propose le lait d'Annès? Ouais, mais tu me mâches le travail, t'en as déjà dit pas mal. Mais oui, c'est ça, en fait, en lait de substitution, on va l'utiliser énormément pour bah, tu vois, les enfants qui ont des allergies aux protéines de lactose. D'accord. Etc., par exemple. Nous, après, ce qui nous intéresse derrière, au niveau cosmétologique, c'est les enzymes qu'il va contenir. D'accord. Une lienzyme qui va être un stimulant de défense immunitaire. C'est pour ça que pour les maladies de peau auto-immunes, oui, on va avoir quelque chose de très bien, dans le sens où bah, il stimule vos défenses immunitaires, nos défenses immunitaires. D'accord. Donc voilà pour cette enzyme qui va contenir, et ensuite une immunoglobine qui rééquilibre la régénération des cellules. Oui. Donc par exemple, je vais faire une petite parenthèse sur les problèmes de peau pour rester sur ça. Un psoriasis, ça va être une régénération de peau qui va être beaucoup trop rapide, on va être sur 6-8 jours. D'accord. Alors qu'il nous faudra un cycle de plus d'une vingtaine de jours, entre 22 et 28 jours pour régénérer nos cellules. D'accord. Et donc cette immunoglobine va aider à réguler la régénération de ces fameuses cellules. Donc du coup, on va avoir une peau qui se désquame beaucoup moins. Mmh. Et puis derrière, il sera aussi très important de la nourrir. Ça va être le rôle des huiles qu'on utilise. D'accord, parce qu'il y a, il y a des huiles qui sont ajoutées en plus de ton lait d'Annès au sein des produits. Voilà, alors la base d'un savon saponifié à froid, c'est donc des huiles qui vont être saponifiées, donc qui vont être transformées en savon glycérine. D'accord. Et en l'occurrence, on va travailler avec des beurres de karité, oui, beurre de coco. On va prendre de l'argile blanche qui, oui, va être elle, purifiante pour la peau. Ensuite, on va prendre de l'huile de ricin, de l'huile d'argan, de l'huile d'olive. Et puis voilà, la boucle est bouclée. Le lait de nos ânesses. Et puis, à chacun ses propriétés en plus. Hein. Voilà, Pour le coco, c'est apaisant, assouplissant. L'huile d'argan, c'est nourrissante et hydratante. Hein. Maud, tu pourrais même nous en dire plus. L'huile de ricin, c'est quoi? Ah, c'est bon pour la peau, pour les cheveux, les ongles pour aussi. Les ongles aussi. Ouais. D'accord. Ouais. L'huile d'olive, c'est exfoliant. Voilà. On va s'en servir pour avoir un côté décapant. Si vous vous souvenez, enfin nous on est encore un peu tout jeunes, non on va le dire comme ça, ouais, chez nos grands-parents, sur le bord du, ouais, sur le bord du bassin, il y avait, si on se souvient bien, des gros savons tout durs, le fameux savon de Marseille, le vrai savon de Marseille. Le vrai savon de Marseille, lui, est fait avec 99% d'huile d'olive. D'accord. C'est que de l'huile d'olive. Et ce savon de Marseille, bon, ils avaient la peau costaud, donc ils pouvaient se laver avec. Mais on l'utilisait pour laver le linge, décaper les draps, etc. Mm-hmm. etc. D'accord. Alors, ces huiles et ces beurres là, que tu utilises en plus de ton lait, où te les procures-tu? Alors, on a un distributeur en demi-gros, en fait. D'accord. Qui est, bah, lui, certifié biologique, qui fait que des produits biologiques. Okay. Donc, nous, via notre politique d'entreprise, éthique personnelle aussi, ça rentre en compte. On va utiliser que ces produits-là, qui vont être biologiques à 100%. Ça, c'était important pour toi? Oui, bah oui, si on veut faire des produits de qualité, c'est un petit peu dommage de prendre une base qui, elle, va être altérée avec des mauvaises choses dedans. Ah bah oui, c'est sûr. Mmh. On reste dans le naturel. Du coup, toi, Maud, tu utilises les produits de Samuel au sein de l'Institut pour faire des massages, etc. Voilà. etc. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, tout, bah, ces huiles voilà, dont lui a la recette, on va dire, le secret. Mmh. Voilà, donc j'utilise voilà, ces produits, bah, ce qui paraît... logique, en fait, tout simplement. Hein, donc, Mais Samuel, comment tu as appris, en fait, toutes les propriétés des choses, du lait d'ânesse, mais aussi des huiles, des beurres que tu utilises? Tu t'es formé, tu as appris sur le tas, comment ça se passe? Alors, c'est là qu'intervient le rôle d'une grande absente aujourd'hui, Floriane, qui est ma compagne. Que l'on salue. Oui, on salue au passage. Et puis, elle s'excuse de ne pas pu avoir être présent. On a des enfants et puis... On comprend tout à fait, Floriane, ne t'inquiète pas. On a trois bouches à nourrir, elle t'en a dit, ça court chez nous. Et puis, elle travaille en plus, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, elle est prof des écoles. Et donc, elle, dans sa formation initiale... Une superwoman. Oui, c'est ça, une superwoman. Dans sa formation initiale, elle a donc une licence en biologie, biochimie. D'accord. Et donc, avec une spécificité où elle a appris tout ce qui est cosmétologie, etc. Ah bah ça tombe bien. Donc on a fait nos bases de recettes ensemble avec, avec tout son savoir-faire. Bah super. Alors le premier produit à être proposé chez toi à la base, ça a été le savon. Ouais, qui plus est, c'est toi qui vas le dire. Le savon. Première bulle. Ah, ah il sonne bien la prochaine émission. Ah oui, c'est vrai que tu l'avais nommé la bulle, première bulle. Comme c'était les premières bulles de savon qu'on faisait pour Amaury. C'est chouette. Et ben, son petit nom est resté. Ouais. Et depuis, la gamme, eh bien, elle s'est amplement élargie. Ouais, étoffée, oui. Aujourd'hui, tu proposes quoi? Alors, ben, forcément, au niveau de la saponification à froid, donc des savons hydratants, d'accord, on aura donc le fameux première bulle, ouais, qui, lui, va être décliné en trois versus. On va le retrouver en pain solide, un savon solide de 80 grammes. Ensuite, pour le côté hygiénique, on va avoir des savons liquides, enfin plus hygiéniques, le fait d'avoir de l'unidose, oui, etc. Oui, oui. Toujours dosé à 12% de lait frais de nos ânes incorporés. Ensuite, des lotions au visage, qui peuvent être utilisées pour des zones à cibler, mais dites pour le visage, qui sont, elles, dosées à 30% de lait. Donc voilà, d'accord, ça c'est le premier bulle. Et toutes nos autres déclinaisons, on va retrouver un savon qui va être... alors parfumé, c'est pas un parfum, c'est une huile essentielle biologique qui est incorporée dedans, de manière à lui apporter ce fameux parfum, cette d'accord odeur. Et en même temps, on pourra prôner la vertu de cette huile essentielle. Donc on va avoir... des savons à la lavande, qui s'appelle le douce lavande, toujours d'accord décliné, savon solide, savon liquide, okay, lotion. Ylang-ylang, toujours pareil, solide, liquide, lotion. Oui. Roi des forêts, qui est du sapin des Vosges. Celui-là, c'est le, ah ouais. Ouais, c'est le 100% vosgien. Ah bah dis donc, ça doit sentir bon, ça. Ça sent le sapin. Ouais, c'est mieux. Mais il fait pas bon le dire, ça. Oui, ça non, sent le sapin. Pas, ouais. Non, c'est vrai que ça peut partir ça confusion. Sent les Vosges. Voilà, ça sent les Vosges. Et puis après, on a une gamme de luxe où là, on a des complexes avec plusieurs huiles essentielles de grand luxe qui vont être incorporées pour apporter des parfums beaucoup plus raffinés. Et là, on est sur des petites appellations. Le masculin pour les hommes, l'élégance, le vintage, le pétillant. C'est sympa. Eh oui. C'est toi qui choisis tous les noms? Ouais, c'est nous qui avons choisi. Bon, en fonction de la petite odeur qui ressortait du petit mélange qu'on avait... l'élégance, il est vachement raffiné. On a une note assez agrume avec de la verveine exotique, de la lavande, du bois de rose. Donc il est charmant, charmeur. Donc l'élégance, il passait bien. Mais tu confirmes, Maud? Ah oui, oui, tout à fait. Oui. il est pas mal. Ça donne envie. Ouais. Le pétillant, par exemple, on a du citron vert, du géranium, géranium rosa et un rose de dama. Et géranium rosa, je fais une petite parenthèse dessus, c'est un grand cicatrisant qui est reconnu pour lutter contre les problèmes de pso. Et j'en profite pour faire la parenthèse, dire que celui-ci, c'est un peu le produit phare de la structure. D'accord. Les problèmes de peau, c'est vraiment un produit qui marche très très bien, avec lequel on a des très bons retours. Et donc le pétillant, de par le citron vert qui apporte un petit côté un petit peu acidulé, un petit peu pétillant. Le vintage... Bon bah on va retrouver des notes d'antan avec du patchouli, du petit grain de bigaradier. On a quelque chose qui est assez terreux, racine, mais enfin une note de caractère, quoi. Et puis le masculin qu'on décline en savon à barbe, où là on va avoir du cèdre, de l'atlas qui va musquer un petit peu le produit, etc. Ah bah, donc c'est très complet tout ça. Et puis super à faire, c'est vraiment passionnant. Ah bah oui, on va en parler tout de suite après de comment ça se passe justement pour toi en laboratoire et si tu fais des essais, comment tu as commencé un peu à te lancer. Parce que le laboratoire ça s'improvise pas, hein. J'imagine que voilà, il faut commencer, il faut pouvoir s'en sortir, savoir un petit peu ce qu'on fait. Ça doit être. Plein de choses à innover, ça doit être plutôt marrant quand même. Oui, à la base, dans la petite cuisine chez nous, c'était rigolo de mettre au point les recettes. Ben, c'est comme ça qu'on fait premières ébauches. Hein. C'est vrai. Et puis ensuite, dans le laboratoire, avec toute une législation qui vient se mettre en vigueur, quoi. Où derrière, dès le départ, on ne faisait pas n'importe quoi, mais où des Il y a des règles à respecter, quoi. Oui, bah oui, on dépend des normes européennes et tout, donc on a des cahiers des charges qui sont drastiques, je vais dire, et auxquels on est obligé de se tenir et se fier. Donc, bah, on va forcément rentrer dans des tests allergènes, tests dermatologiques, oui. Etc. Fais attention aux peaux. Patch test et tout. Voilà. Donc, vous êtes bien pris en main avec Maud et Samuel. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. On va vous rendre toute la douceur de votre peau, mais pas que. Vous passez un bon moment avec eux deux aujourd'hui. Merci encore à vous deux d'être parmi nous aujourd'hui pour nous parler de ces fameux laits d'ânesse et tout ce que tu proposes au sein de l'asinerie. Alors, on écoute notre deuxième bulle de sang avec Les Passants de Jack Simard, comme tu nous l'as proposé, Samuel. Et on se retrouve juste après. On a passé des heures à chasser des courants d'air. On en a brisé les cœurs, on y a cru dur comme fer. On a goûté des ordures, on a bu des bouillons. On a effacé des ratures et recopié les brouillons. On a promis des changements, on en a étouffé les crises. À chaque déménagement, son petit lot de surprises. On a fait des kilomètres, on en a raté les trains. On en a bravé les tempêtes, on en a bavé comme des chiens. Pour rien, rien, rien, rien, rien. Mais pourquoi faire et à quoi bon? Rien n'est mauvais, rien n'est bon. Rien n'est droit, rien n'est rond. Et tout est si fou dans le fond. On en a attendu des lunes, on a pris des résolutions. On a prié de bonne fortune, médité des révolutions. On a archivé les souvenirs et on a fait de grands ménages. On a eu des choses à écrire et déchirer la page. On a fait des vilains gestes, on a gaspillé les saisons. On en a essuyé les vestes, on en a brûlé les pardons. On en a glissé les je t'aime, on en a lâché les putains. On en a fait des beaux poèmes, on en a fait du bruit pour rien. Ouais, pour rien, rien, rien, rien, rien. Mais pourquoi faire et à quoi bon? Rien n'est mauvais, rien n'est bon. Rien n'est droit, rien n'est rond. Mais tout est si fou dans le fond. On a inventé des héros, des martyrs, des affreux, des génies, des bourreaux, des esclaves et des dieux. On s'est inventé des véroles, des verrous, des principes, des auras, des auréoles, des lois, des stéréotypes. On s'est aliéné à la tâche pour l'heure qu'on nous fait miroiter. Manquer son temps à la cravache contre une fausse liberté. On a tellement pris des risques, on s'est dévoré le frein. On en a composé des disques, on en a braillé les refrains. Pour rien, rien, rien, rien, rien. Mais pourquoi faire et à quoi bon? Rien n'est mauvais, rien n'est bon. Rien n'est droit, rien n'est rond. Mais tout est si fou dans le fond. On n'a jamais été si seul que noyé au bain de foule. On n'a jamais tant fait la gueule que depuis qu'on se la joue cool. On n'a jamais été tant perdu que depuis qu'on a trouvé. On n'a jamais été tant déçu que depuis qu'on a gagné. On n'a jamais été si mal que depuis qu'on a ce qu'on veut. On n'a jamais été si pâle que depuis qu'on est sous les feux. On aura beau faire de son mieux, on ne sera jamais que des passants. C'est peut-être à l'heure des adieux que l'on se sent le plus vivant. C'est peut-être à l'heure des adieux que l'on se sent le plus vivant. Que l'on se sent le plus vivant. Que l'on se sent le plus vivant. Vivant. Voilà pour cette chanson de Jacques Simard, spécialement choisie par Samuel. Merci Samuel. Merci. Alors, on parlait un petit peu du laboratoire et de tout ce que tu transformes au sein de ce laboratoire. Quel parcours entre le lait de tes ânesses et le produit fini? Il y a beaucoup de transformations, ça se passe comment? Eh bien, oui, il y a beaucoup de temps de transformation. Pour, tu veux que je te donne une, vous voulez que je vous donne une petite une formule, par exemple? Vas-y. C'est pour les autres qui écoutent, parce qu'ils veulent savoir aussi, je me doute. Alors, je vais répondre pour eux. Oui, on a tous envie que que tu nous donnes une petite formule. J'avais besoin d'entendre ça. Donc, du coup, on va rester sur la sape à froid, donc ouais. Sur nos bases hydratantes. Ce qu'on va faire, toutes les huiles qu'on a énumérées tout à l'heure, donc le beurre de karité, l'huile d'argan, etc., etc., toutes nos huiles-là, on va les faire fondre sans jamais dépasser 40 degrés. D'accord. Ce qui fait que toutes les propriétés de chaque huile utilisée, leurs vitamines essentielles, oligo-éléments, etc., restent optimales. Voilà. Elles ne vont pas être déstructurées. Et donc, toutes ces huiles-là et beurre vont fondre pendant une moyenne de quasiment 4 heures. Ah oui. Ouais, sans jamais dépasser 40 degrés. Derrière, on va faire juste mélanger le sodium, en fait, l'eau et de la soude, qui va lui monter à température, 90 degrés. On laisse redescendre en température à 40, cette matière aqueuse-là. Le lait, on l'incorporera frais, mélangé à l'argile blanche, aux huiles essentielles et au surgras du savon. D'accord. Le surgras, c'est les huiles qui vont être saponifiées, donc qui va permettre d'hydrater le film hydrolipidique. D'accord. Voilà. Donc pour en revenir à la recette, une fois que les huiles sont fondues, huile et beurre sont fondues et sont à 40 degrés, on va y incorporer notre mélange aqueux, donc de sodium, qui lui est à 40 degrés aussi. On mélange notre petite mixture, j'ai envie de dire. Et ensuite, une fois qu'on obtient une trace, on va l'appeler comme ça dans le jargon, une trace marquante, on va incorporer le lait d'ânesse, l'argile blanche, les huiles essentielles. On remixe tout comme il faut pour faire un mélange bien onctueux. Et c'est là où on va avoir un laps de temps qui va être très court. La pâte à savon, elle va durcir très très rapidement. D'accord. On a 1 minute 30. Ah oui. En moyenne, 1 minute 30 pour couler la totalité de mes savons. Donc moi, je fais des recettes de 60 savons. Via Mircette, on n'est vraiment pas dans le quotitatif, on est sur une petite structure, hein, donc on va travailler à notre échelle. Et donc j'ai 1 minute 30 pour couler tous mes savons dans des petits moules individuels. D'accord. De manière à... Et puis ouais, voilà, il faudra aller assez vite pour ne pas avoir de bulles d'air, etc., etc. Et tout ça, c'est quelque chose que tu as appris au fur et à mesure de tes essais? Oui, alors au début, il y avait de la perte. Hein. Ouais. Parce que on veut toujours bien faire, toujours faire un petit peu mieux. Alors on prend le temps, on pétoille un petit peu dans un coin et autre. Et puis au final, maintenant, il y a la dextérité qui est là. Et puis on sait ce qu'on fait, donc on le fait. Le geste est plus rapide et puis on est un petit peu plus sûr de soi. Maud, tu as déjà été voir un petit peu comment ça se passe au moment de la transformation des produits? Oui, on avait été voir un petit peu dans le laboratoire. Voir ce que ça donnait, et puis c'est vrai que le but c'était de savoir aussi comment étaient fabriqués les savons. Si j'en vendais, c'était logique de... Donc après la recette, j'ai jamais trop demandé, puisque je sais ce qu'il y a dedans, mais ça reste son domaine. Mais oui, c'est vrai que c'est toujours sympa de voir comment c'est fait, et puis on voit que c'est quelque chose c'est de l'artisanal, donc ça c'est chouette. Est-ce que tu reçois parfois des écoles, je sais pas, qui viennent un petit peu regarder comment ça se passe? Oui, alors pour la transformation, malheureusement, ça c'est au niveau de nos cachets d'assurance. On ne peut pas accueillir de public, ou si je le faisais, j'aurais un cachet d'assurance qui serait beaucoup trop élevé. Donc j'ai pris la décision de ne pas le faire. Et surtout que la transfo, je suis tout seul pour tout gérer. Donc on ne peut pas encadrer des groupes en extérieur et les amener à la transfo avec le sodium, tout ça, il y a des choses qui sont compliquées. Donc ça, on ne fait pas. Par contre, visiter la structure, oui, on a des petits groupes d'enfants handicapés qui viennent, des IME. Oui. Par exemple, la petite classe scolaire de Vecoux, forcément, on a attaché à notre village, puis on avait nos enfants à l'école, donc les petites sorties d'école de fin d'année, ils aimaient bien venir faire la petite boucle, visiter la ferme, voir les ânes, les anneaux, etc. Et puis des personnes âgées aussi qui viennent nous rendre visite. Et eux, ils sont super contents de retrouver des petits jeunes qui retravaillent un petit peu la terre comme eux l'ont fait. Ouais. Ça doit leur faire plaisir, c'est sûr. Combien tu as d'ânes maintenant auprès de toi? Alors, volonté de rester sur une petite structure oblige. On n'en a pas beaucoup plus que la dernière fois qu'on s'est vu. En l'occurrence, c'était Mika, mais on va dire qu'on s'est vu. On sait que l'on salue Mika, ouais, un gros coucou. Passe le bonjour au passage. Donc du coup, on a toujours Sultan, mâle reproducteur. D'accord. Et puis on a six femelles. Il a le bon nom, Sultan, le mâle reproducteur. Ouais. Hop. Je le dis ou je le dis pas. À la base, il devait s'appeler Rocco, comme il n'avait pas de nom. Mais Sultan, ça, c'était quand même mieux. Ça c'est dit. Bah écoute, Sultan, c'est bien. Moi j'aime bien. Je crois que lui aussi, parce qu'il fait du bon boulot. Puis en même temps, il a son petit harem, donc Sultan, ouais. C'est pas si mal voilà, que ça. C'est bien, c'est impeccable. Voilà. Et du coup, combien de femelles? Alors son harem, il s'arrête à 6 femelles. D'accord. C'est pas mal. Mais 6 femelles, et puis on va réguler notre structure de manière à ne pas avoir trop de bébés en même temps. Ouais. Il faut savoir qu'une ânesse, elle va avoir 12 mois de gestation. Waouh! Ouais, les anciens parlaient en lune pleine. Ouais. Donc, 12 pleines lunes de gestation. D'accord. 12 lunes pleines de gestation. Et derrière, nous, on va profiter d'une moyenne. Alors, on va partir sur 12 mois de lactation. D'accord. On ne fait pas la traite sur les 12 mois. On attend que le bébé ait 3 mois. Il faut qu'il soit assez costaud. On régule nos naissances de manière à ce que les naissances arrivent là, avril, mai, ouais, juin, de manière à avoir un grand taux de vitamine D, d'accord, le soleil, oui, oui, une oui, herbe en pleine pousse, etc., etc., pour avoir des bêtes costauds. Et puis, donc voilà, on va avoir 6 femelles, 12 mois de gestation, 12 mois de lactation et 12 mois de repos que je leur impose derrière. D'accord. De manière à ne pas hyper stimuler les animaux. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on a 6 femelles et une moyenne d'un ou deux petits par an. D'accord. Ça dépend comme ça fonctionne. Et toi, tu parles de quelque chose de très important, c'est la traite éthique. Oui, c'est important. Alors, pour nous. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu toute notre philosophie puis politique d'entreprise, oui, qu'on va retrouver là. Hein. On ne va pas traire mécaniquement, on, d'accord, va traire manuellement. Donc c'est toi qui traites les ânesses? Oui, c'est moi qui traite les ânesses à hauteur d'une traite toutes les deux heures quand on fait la traite. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, une ânesse, un petit peu comme une femme, je vais dire, elle n'a pas de stockage. D'accord. Contrairement à une vache où, d'accord, on va la laisser monter en lait, elle n'aura pas de stockage. Et nous, on va aller la traire toutes les deux heures de manière à vider son fond de roulement. D'accord. On ne va pas stimuler l'ocytocine, qui va stimuler les glandes mammaires, oui, et qui, oui, va lui faire, oui, sécréter, oui, du lait. On va uniquement vider son fond de roulement. Donc on va faire 200 ml de lait par traite, toutes les deux heures, pour faire une moyenne d'un kilo de lait par jour. D'accord. Tout en sachant qu'une ânesse va faire entre 6 et 7 kilos de lait par jour. D'accord. Donc le bébé, même si on l'ôte un petit peu de sa maman et qu'on retire un kilo, il aura toujours au moins 6 litres, 6 kilos de lait à boire sur un laps de temps un petit peu plus court, oui, mais qui boira quand même. D'accord. Donc du coup, il n'aura aucune carence. T'attends que le petit ait un certain âge avant de traire Oui, il faut qu'il ait une diversité d'alimentation, donc qu'il se nourrisse déjà pas mal à l'herbe, oui, qu'il boive bien aussi, et puis voilà quoi. On n'a besoin que de ça. On ne lui mettra pas de complément dans le sens où ces 6 kilos de lait, il les aura quand même. Donc on n'a, oui, pas, oui, besoin, oui, de complémenter, comme si on lui retirait un gros quantitatif de ses besoins. Il y a des soins particuliers, une attitude particulière à avoir avec les ânes pour que tout se passe bien, parce qu'on aime bien être en pleine complicité fusionnelle avec ces animaux. Ouais, bah, je crois que là tout est dit. La complicité, le côté fusionnel. Donc du coup, c'est un respect en fait, oui, entre l'animal et moi, je vais dire. D'accord. Qui fait qu'il y a un climat de confiance qui est établi. Et voilà quoi, après tout se passe très bien à partir du moment où on tire pas sur l'animal, puis on le respecte pour ce qu'il est. Mais j'imagine que tu as de la place là-bas à l'asinerie, ils sont dehors, ils ont... Oui, oui, on a une structure qui est petite, c'est une petite structure agricole, ouais, mais pour accueillir 8 animaux, on a largement de terrain, on a plus de 7 hectares exploitables et exploités, et donc du coup ils sont comme des cocans, pas toi. Maud, t'arrives à reconnaître tous les ânes maintenant? J'ai quand même un peu de mal, hein. C'est vrai qu'il y en a 2-3 qui se ressemblent, ouais. Après oui, il y en a qui ont des couleurs, des teintes différentes, donc ceux-là oui. Et mais les bébés, j'imagine que ça, oui, doit être, bah, trop là, mignon. Ouais, là, non, mais là c'est trop mignon les petits. Mais ouais, c'est vrai que non, après c'est... Et puis même ça fait plaisir aux clients qui viennent et... Ouais. Ils aiment bien faire leur petit tour avant de venir. Et ça doit être fou quand même quand tu viens acheter un produit au sein d'une structure et que tu peux voir directement d'où ça vient et de pouvoir admirer ces animaux et de savoir que tu vas pouvoir bénéficier de tous les atouts qu'ils peuvent te donner, partager avec toi. Oui, en plus aujourd'hui on parle beaucoup du circuit court, donc oui. On est en plein dedans. Et puis j'ai coutume de dire que j'aime bien montrer patte blanche quand t'as rien à te reprocher. Mmh. Bah t'es content d'ouvrir tes portes et puis d'accueillir des gens chez toi pour leur montrer un petit peu ton métier passion, quoi, parce que c'est des métiers passion pour finir. Oui. Et pour eux c'est rassurant, c'est systématique. Alors maintenant, ton public, ta clientèle, elle est un petit peu conquise hein, quand même. Mmh. C'est des gens qui reviennent régulièrement pour acheter les produits chez toi. Oui. Alors on a, je vais dire la chance, s'il n'y a pas trop de place pour la chance, puis le hasard, j'y crois pas trop. Mais on va le dire comme ça. On a la chance de fidéliser beaucoup notre clientèle. Oui. Et on travaille énormément via le bouche à oreille aussi. D'accord. Sur nos petites structures chez nous, on aime bien les circuits courts, etc. Puis quand on est content d'un produit, on aime toujours le partager alentour de nous. Et donc, du coup, on a une petite clientèle bien fidélisée qui vient chez nous, mais pas que locale. On a des touristes qui aiment retrouver nos produits et aussi des gens de l'étranger qui recommandent nos produits. Et oui, les produits voyagent. Ouais, énormément, ouais. Et on en a un petit peu partout qui partent, j'ai envie de dire, dans le monde entier. Ça, c'est chouette. Ouais, des pays que j'irais jamais voyager. C'est toujours sympa de se dire qu'il y a une petite partie de soi là-bas. Ouais, carrément. Qui prend soin de quelqu'un en plus. C'est vrai. On est altruiste. Ah bah oui, ça c'est sympa. On aime prendre soin des autres. Hop, tu fabriques un produit et il est envoyé aux quatre coins du monde. Ça, c'est plutôt chouette. Ouais, et du coup, on avait une petite demande qui devenait de plus en plus croissante. Donc, on avait un protocole Vieille France avec un bon de commande à remplir et renvoyer les produits. Et donc cette année, on a mis un petit peu la main à la pâte encore une fois, puis on a fait un site internet avec une boutique en ligne. Qui est très bien réussi d'ailleurs. Merci. Très clair, vous retrouverez tous les produits, puis vous pourrez retrouver également tout ce que Maud propose au sein de son institut en parallèle et au sein de l'asinerie des Hauts-de-Vosges, Secret d'Orient, où tu proposes plein de soins avec différents produits que Samuel fabrique. Mm-hmm. Alors, est-ce que tu nous en dis plus sur les soins que tu proposes ? Forcément, tout ce qui est massage bien-être avec les produits de Samuel. D'accord. Donc qui peut se développer sous forme de réflexologie, de choses comme ça. Et puis après, on a tout ce qui est onglerie. D'accord. Donc, les mains, les pieds, onglerie. Pose artistique ou les poses beaucoup plus simples pour le quotidien, on va D'accord. dire. Et puis, extension de cils. Donc, oui. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez recherché et qu'il n'y a pas forcément partout. Donc, je propose ça aussi. Et puis, après... c'est à peu près tout pour le moment. C'est après, il y aura certainement d'autres projets par la suite, mais d'accord. Mais c'est vrai qu'on reste sur quelque chose de... On est indépendants tous les deux et on croise nos clientèles et c'est très bien comme ça, je pense. Du coup, t'as un petit peu carte blanche, tu proposes des choses de par ta sensibilité, de ce que tu sais faire, etc. Ah oui, tout à fait. Après, c'est vrai que j'en parle toujours à Samuel parce que j'estime que dans un partenariat, on est toujours à deux, quoi qu'il arrive. Et puis voir aussi un point de vue extérieur, entre guillemets. On arrive à bien... C'est facile de s'entendre. On se croise pas tant que ça, après, au final. Hein. Modèle à sa clientèle. Ouais. Une fois qu'elle est en prestation, moi je vais au magasin ou alors après je suis au labo. Non, je trouve qu'on ne se marche pas du tout sur les pieds. Et c'est même justement super sympa de pouvoir se revoir un petit peu le soir avant que chacun reparte chez soi, ouais. Faire un petit débrief, voir qu'est-ce qui pourrait être mieux pour toujours faire mieux. Oui, voilà, ou les attentes des clients, les retours que j'ai eus. Ce qui a peut-être amélioré, ou ce qu'ils attendent, ou ce qui leur a plu, tout simplement. Les critiques constructives, c'est chouette. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on peut réserver sa séance sur ce site, justement, douceuranes.fr, lien du site que nous mettrons avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui, pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Alors, on peut acheter ses produits en ligne, on peut aussi réserver sa séance, ça c'est pratique. Ah oui, et puis c'est vrai que on a quand même des retours et c'est même peut-être plus simple, quoi, je veux dire, pour les clients. Et puis ils font tout d'un coup, quoi, je veux dire, ils passent, ils font leur séance et en même temps ils rapportent leurs produits chez eux. Impeccable. Que demander de plus ? En plus, il y a un espace jacuzzi, sauna. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est sympa. Ouais. Donc bah, ça, c'est pareil, c'était une idée de Samuel, un de ses projets, voilà. Et donc là, c'est pareil, c'est moi qui gère tout ce qui est espace bah, sauna, jacuzzi. Donc beaucoup de cartes cadeaux qui ont été vendues ah oui. en début de On retrouve des cartes cadeaux, oui, voilà. alors. Ouais, voilà. Et donc les cartes cadeaux bah, qu'on peut développer d'ailleurs sous forme soit de... pour l'espace bien-être ou soit pour... C'est valable pour toute la zinée, voilà, oui, pour voilà, toute vraiment. La structure. Oui, oui. Ouais, ouais. Ça, pour c'est les chouette. Produits de Samuel. Mmh. Ben voilà, impeccable. Que du bon pour se faire du bien. Alors là, franchement, on est au top. Alors, on va se faire notre troisième bulle de son avec eh bien, Paradis de Lolomis. C'est le son que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. On reste un petit peu dans le local. Lolomis, c'est un petit peu des jeunes gens d'ici, mais qui ont une culture un petit peu très variée. Et ça parle bien maintenant parce que les produits de Samuel, on l'a compris, ils vont aux quatre coins du monde. Et puis là, c'est bien représenté par ce son, puis Paradis, ben, c'est vrai que c'est un petit coin de paradis quand même, hein, ton asinerie. Ouais. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Faces, raging lust, the raven us, the deadly recognize these because they are your enemies. Smoke hides fire, dust hides the mirror, couldn't be clearer. In every age I come back to deliver the holy, destroy the sin of the sinner, establish righteousness. And yes, he whose heart is devoted, whose senses are mastered, he finds prime and enlightened, he passes at once and back, peacefully preaching the crime we lack. Madre suka tina shiku tina tinika. And bale lak, got Voilà pour ce son, cette bulle avec Lolomis. On est toujours en pleine émission avec Samuel et Maude pour parler aujourd'hui eh bien, de l'asinerie des Hauts-de-Vosges, de tous les produits proposés au sein de Douceur d'Anès et puis eh bien, de ce nouvel espace bien-être secret d'Orient avec tout ce dont tu nous as parlé tout à l'heure. Alors on n'oublie pas et on précise, hein, tu nous le disais en off tout à l'heure, eh bien, qu'au moment où voilà, vous passerez un moment avec Maude, cet endroit, eh ben, il sera spécialement dédié à vous. Vous serez voilà, dans un endroit privatisé. Avec, on peut venir accompagner. Ah oui, tout à fait. Vous pouvez venir accompagner tout simplement. Alors, on reste quand même dans quelque chose de privatisé, justement. Donc, c'est mieux d'être en duo ou avec un ami ou en couple. Voilà. Donc, justement, tout ce qui est sauna, jacuzzi, on peut très bien organiser des, enfin, entre guillemets, des anniversaires de mariage. Ça peut être voilà, des petites choses comme ça. C'est l'occasion. Voilà. On reste en groupe restreint quand même. Oui, voilà, on reste en groupe restreint pour avoir vraiment ce côté vraiment détente, pas relaxant. Quelque chose. Oui, voilà, relaxant. Ouais. Voilà. Alors, on peut trouver également, eh bien, donc on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a des cartes cadeaux que voilà, vous pouvez offrir eh bien, au moment des anniversaires, des fêtes et tout autre chose. Ça, c'est plutôt sympa. Les cartes cadeaux, on les retrouve aussi sur ce nouveau site internet ou alors c'est directement chez toi. Ah, ça, c'était la question piège ouais, du jour. Bonne question. Non, non, mais maintenant, tu me mets le doute. Et non, les cartes cadeaux, on vient les faire à domicile. D'accord. Sur le site internet, si ma mémoire est bonne, on doit retrouver tous nos coffrets cadeaux de nous, la structure Douceur d'Anès. Et les prestations qu'on peut réserver via Maud et la privatisation de l'Institut. D'accord. On aura donc des formules déjà toutes prêtes, avec des massages compris, avec l'utilisation du sauna, jacuzzi. C'est Maud qui peut peut-être mieux vous en parler. Vas-y, Maud. Oui, donc après, voilà, tout ce qui est sauna, jacuzzi, l'idée est vraiment de se détendre au maximum. Donc, on a déjà concocté des formules, en fait, où on regroupe ça avec les massages bien-être. Et après, bien sûr, on peut toujours faire des choses un peu plus individualisées. Hein, d'accord. Voilà. Oui, selon la demande, tu tout veux à dire. Fait, oui, voilà, c'est ça. Ça peut être même pour la préparation d'une mariée. Ah, voilà, c'est chouette, ça. Ça sera pas forcément les mêmes attentes, hein, bien entendu. Mais c'est un super cadeau de mariage, en plus, voilà. Ça, des produits au lait d'Anès. Ouais. Donc voilà, après, oui, on reste sur quelque chose d'assez... on est à l'écoute de nos clients, voilà, voilà. Quoi qu'il arrive. Les cartes cadeaux, on le reprécise, elles sont valables au sein de l'Institut et au sein de la boutique de la lasinerie. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est top. Alors, on refait un petit peu le tour. Hein, donc, vous avez bien compris, vous retrouverez des savons solides, liquides, des lotions pour visage, mais aussi des crèmes et des laits. Oui, on n'en a pas parlé. C'était encore une nouveauté de l'année. Eh bien, dis donc, sacrée année 2018. Elle était lourde, celle-ci. Hein. Ouais. Mais douce en conséquence. Oui, ouais, douce. Conséquence. Ah, voilà. Et donc, du coup, ouais, voilà. Via notre demande, hein, la demande de notre clientèle, on nous demandait beaucoup des crèmes nourrissantes, etc. Donc, on a pris 2 ans pour les mettre au point. Ah ça oui. S'est pas fait en 15 jours. On a voulu vraiment avoir quelque chose de vraiment bien fait. Et donc, voilà, on va retrouver pour cette année des crèmes nourrissantes. Alors, une gamme qui va être neutre, hypoallergénique. Ouais. Celle-ci, on va l'associer à la gamme bébé et à la gamme naturelle neutre. Une crème visage à la fleur d'hibiscus, donc avec un petit parfum de fleur, enfin une petite fleur d'hibiscus très douce, très légère, donc très nourrissante pour le visage. Et des laits corporels qu'on utilisera en lait hydratant, donc pour hydrater l'épiderme. Alors on les utilisera donc en lait hydratant après douche ou en lait après soleil aussi. Oui. Et ceux-là, ils ont un petit parfum, du coup on est obligé d'avoir un parfum sur ceux-ci, d'amande amère et de vanille. D'accord. Ah, moi j'aime bien, du coup j'ai voulu le faire celui-là, je trouvais ça super cool. Ouais, ça doit être sympa. Ça doit être sympa. Tu fais sentir un petit peu Oui, bien sûr, on a des petits testeurs Ça, c'est chouette. En tête de gondole, comme dirait l'autre. Mais avant de finaliser le produit, tu le fais sentir un petit peu à Maud, ta compagne. Tout le monde fait le tour et puis teste, etc. etc. Tout le monde le sent. Bah, sur 2 années, on ne reste pas enfermé dans le labo. Même à nos clients, hein, quand ils venaient, on leur faisait tester. Alors, j'offrais un petit baume, une petite crème visage, un machin. Puis ça, eux me donnaient leur retour. Puis c'est ça, super c'est pertinent. Ouais. Donc... puis encore une fois, ça remplit de critiques constructives. Ça, c'est top. Ouais. Il y a des produits également pour enfants, ça, on l'a bien compris. Et puis des coffrets aussi qu'on pourra retrouver chez toi. Hein, oui, qu'on fait beaucoup, des petits coffrets à offrir. Ouais. Et ça, c'est sympa. Et vous retrouverez toutes ces informations sur le tout nouveau site internet qui est douceur-anes.fr, lien que l'on mettra avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui qui sera rediffusé pour les couches tard à minuit, présente sur notre site internet et notre page Facebook pour ceux qui n'auraient pas pu tout écouter. Est-ce qu'il y a autre chose à dire avant de terminer notre émission ? Hormis vous dire merci de nous avoir invités. C'est nous qui pour nous de venir ici. Pas grand-chose. Je crois que tout est dit. Ouais, si vous voulez plus d'infos, eh bien, le site internet, il y a également une page Facebook, hein, Asinerie des Hauts-de-Vosges. Alors là, c'est marrant parce qu'on est en plein dans le sujet. Il y a des photos de tes ânes. C'est plutôt rigolo. Ils ont des bonnes bouilles quand même. Ils sont beaux, oui. Merci à tous les deux d'être venus dans la bulle pour partager un moment douceur, version Les Danes. C'était un grand plaisir. J'espère vous retrouver bientôt. Une très, très bonne continuation à tous les deux. Et puis, bon partenariat. Hein. Merci. merci à vous. Et puis, le plaisir partagé. De très, très belles choses. Et puis, pas de générique cette fois-ci. On va te faire plaisir. J'ai trouvé ta fameuse chanson Ridan pour l'agriculteur. Ça terminera cette bulle d'aujourd'hui à tous nos auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine. Passez un très très bon week-end et n'oubliez pas, c'est comme tous les jours, hein, bonheur, rire et joie à tous. Et douceur. Et douceur, bien entendu. J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. Je troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fut du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Et si le blé me fut du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Y'a trop de feux rouges dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirai l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine. Chargé en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue et ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fut du bonheur, je me ferais peut-être agriculteur. Soleil à l'horizon, ça fait longtemps que je l'attendais, la petite lueur de la raison. Une petite chanson au clair de lune pour réchauffer le cœur de pierre. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois éclaire le ciel. Le grand retour à l'essentiel, le feu de bois.